Nazala qui je n'ai rien à commis quelqu'un. Baboti batinga panti ricolo ricolo. La luka mosala opena bala moisi. Ezala kinga na tango ya kala bobo. Vere makasi posi lo falangate. Makamboe koela kaga. Pesanga mbongo, moi je n'ai rien. Nelonga na komi de komoto ya mbongo. Camarade famille, baton d'indako. Gai je n'ai rien, la komi quelqu'un. Gai je n'ai rien, la komi quelqu'un. Qui je n'ai rien à commis quelqu'un. Baboti batinga panzi licolo licolo. La luka mosala opena bala moisi. Ezala kinga na tango ya kala bobo. Vere makashi poshi lo falangate. Makamboe koela kangai. Pesanga mbongo, moi je n'ai rien. Leronga na komi de komoto ya mbongo. Camarade famille, baton d'indako. Gai je n'ai rien à commis quelqu'un. Gai je n'ai rien à zombie voiture. Gai je n'ai rien à zombie le pango. Na bala moisi na bota ibana. Solo lelo nandimi mbongo nde mokonzi. Nani komo susa ya kofunde rangai. Gai je n'ai rien à commis quelqu'un. Gai je n'ai rien à zombie voiture. Gai je n'ai rien à zombie le pango. Gai je n'ai rien à...